Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer l'étude du chapitre 16 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, hier nous avons vu que tu nous as dit par l'ange que ton Fils bien-aimé, Jésus, était ressuscité d'entre les morts. Mais tu n'as pas juste dit. Tu as voulu nous donner des preuves. Tu as voulu nous montrer qu'il était bien ressuscité. Tu as voulu mettre un sceau, je pourrais dire, à ta déclaration, il est ressuscité. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre ce que nous allons étudier ce matin. Amen. Je vais prendre une minute pour vous dire quelque chose à partir par rapport à ce qui s'en vient dans les versets. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Beaucoup de théologiens disent que l'évangile de Marc s'est terminé au verset 8. Et que le verset 9 jusqu'à la fin est un ajout à l'évangile de Marc. Plusieurs théologiens très importants, très bien vus, très bien cotés, disent que c'est le cas. Je peux nommer par hasard Don Carson, John Piper, je pense que John MacArthur aussi, je pense qu'il va dans cette direction-là. Je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. Et que Marc 9 est un rajout. La tendance dans les vieux manuscrits, dans les premiers temps de la mise en place de la Bible, la tendance, ce n'était pas d'enlever des choses, des textes, mais c'était d'en en ajouter. Donc, moi, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas les outils pour vous dire avec certitude, oui, c'est dedans, non, c'est pas dedans. Mais j'ai pris la liberté de dire, moi, je vais l'enseigner comme étant des vérités bibliques. S'ils ne sont pas dans ce texte-là, on pourrait facilement prendre toutes ces vérités-là et les mettre dans les autres évangiles. Je crois que si ça a été rajouté à Marc, l'auteur a pris des vérités dans les autres évangiles puis a mis une conclusion à l'évangile de Marc parce qu'il semble qu'il ne voulait pas que ça finisse comme « Bon, les premiers témoins n'ont pas parlé, ils n'ont pas révélé, n'ont pas prêché la bonne nouvelle » comme l'ange avait annoncé. Et ce serait peut-être pour ça que l'auteur a ajouté le scribe qui a fait la copie, ajouté à ça. Bon. Moi, je vais l'enseigner comme étant partie intégrale de vérité biblique. Je ne vais pas ajouter plus que ça. Si vous êtes intéressé par cela, allez lire des commentaires sur des théologiens qui vont... qui ont la connaissance du grec, connaissance des manuscrits, et qui vont prendre les décisions là. Puis, comme je vous dis, je ne crois pas ce qui est écrit là, parce que du verset 9 jusqu'au verset 20, va contre aucun verset biblique, mais confirme les versets bibliques ailleurs. Bon. Donc, ceci dit, j'enseigne le chapitre 16, verset 9. Nous avons vu au chapitre 15 qu'il y avait trois femmes qui ont été témoins de la mort de Jésus. Marie Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. Ces trois femmes ont été témoins de sa mort. Il n'était pas loin quand il était sur la croix. Ils l'ont vu mourir sur la croix. Ils l'ont entendu crier sur la croix. Ils l'ont vu être descendu par Joseph d'Arimathée et les autres qui étaient avec lui, probablement, ils l'ont vu mettre dans le tombeau. C'était le sabbat, le lendemain, ou à 6 heures ce soir-là. Et là, ils se retirent chez eux, c'est le sabbat, ils restent chez eux, comme c'est la coutume, et le dimanche matin, très tôt, le premier jour de la semaine, ils vont au sépulcre, et là, on a vu hier qu'en arrivant au sépulcre, ils voient le sépulcre ouvert, ils entrent dans le sépulcre, et un ange de la part de Dieu leur déclare, Jésus est ressuscité, regardez, le tombeau est vide. Et on a terminé en disant, les trois femmes partent, et par peur, par crainte, par effroi, par trouble, ils ne disent à personne ce que l'ange a dit. Je ne sais pas combien de temps s'écoule, minutes, heures, mais on voit à partir du verset 9 que Jésus va apparaître à une de ces trois femmes-là, Marie Magdala. Et là, on va lire ensemble, verset 9 jusqu'au verset 14. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla en porter la bonne nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Donc ici, nous avons ce que j'appelle les apparitions de Jésus. Le premier jour de la semaine que Jésus étant ressuscité, l'auteur ici rappelle à ses lecteurs que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, pour les Juifs. Il a ressuscité le premier jour de la semaine et il a apparu d'abord, premièrement, à une de ces femmes qui avait été dans le tombeau et qui avait vu l'ange. Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Donc, pourquoi on dit cela? C'est pour identifier la femme. C'est pour pouvoir, si on voudrait, si on était du temps et de l'époque, pouvoir aller parler à cette femme-là, interroger cette femme-là. Donc, il l'identifie, cette Marie, c'est une Marie de Magdala. Et cette Marie de Magdala, c'est celle dont Jésus avait chassé sept démons. Donc, cette femme avait une réputation qui l'entourait, que les gens pouvaient savoir de quelle Marie l'auteur parle ici. Marie de Magdala, donc de la village de Magdala, et c'est cette Marie-là dont Jésus avait chassé sept démons. Donc, c'est la première qui a vu Jésus. Au verset 10, c'est marqué. Ah, là est allé. La première fois que Jésus l'a vu, qu'elle avait entendu dire par l'ange que Jésus t'a ressuscité, elle n'a pas dit rien à personne. Mais après que Jésus lui est apparu, elle était le dire aux autres. Elle va porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Donc, c'est, selon notre texte, je crois, les onze et peut-être d'autres disciples, mais au moins les onze. Elle va leur dire que Jésus lui est apparu. Elle dit cela à ceux qui s'affligeaient et pleuraient sur le départ de Jésus. Ceux qui étaient attristés que Jésus soit mort. Et qui n'avait pas cru, entre guillemets, ce que Jésus avait dit, qu'il ressusciterait le troisième jour. Parce que s'il avait cru que Jésus-Christ était pour sortir du tombeau le troisième jour, moi, je sais ce que j'aurais fait si j'avais cru, si j'avais été là. Je ne dis pas que j'avais cru, mais si j'avais été là et que j'avais cru, je sais ce que j'aurais fait. Je me serais mis devant le tombeau. À partir de minuit, j'aurais attendu qu'il sorte de là. Il a dit qu'il ressusciterait, je crois qu'il ressusciterait, je me mets ici, puis j'attends qu'il sorte de là. C'est ça que j'aurais fait. Mais eux, ils ne le croyaient pas. On le sait ça, on l'a vu. Et ils pleuraient et ils s'affligeaient plutôt dans leur petite maison. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, la réaction, ils ne le crurent point. Non. On ne croit pas. On ne croit pas. Ça se peut pas. C'est pas vrai. Ils ne le crurent point. Au verset 12, après cela, deux personnes, deux autres, Jésus leur a apparu aussi sur une autre forme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas facile à comprendre. Mais il y avait eu un peu un changement dans l'apparence de Jésus. Le texte ne nous dit pas les petits changements. Plus grand, plus gros, plus petit, plus brillant, plus blanc, on ne le sait pas. Mais ces deux personnes-là croient que c'est Jésus, savent que c'est Jésus, croient que c'est Jésus, et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils le croient. Au verset 13, ils revinrent, parce qu'ils étaient partis de Jérusalem, s'en allaient vers la campagne, ils revinrent à Jérusalem, et ils l'annoncent aux 11 et ceux qui étaient là. Ils l'annoncent. S'ils l'ont annoncé, c'est parce qu'ils l'ont cru, qu'ils l'avaient vu Jésus. Mais quelle est la réaction des 12, ou des 11, excusez? Ils ne les crurent pas. L'incrédulité persiste. Ils n'ont pas cru Jésus quand il l'avait dit. Ils n'ont pas cru Marie de Magdala, qui, je crois sûrement, leur avait dit, « Nous sommes allés dans le sépulcre, nous avons vu le sépulcre vide, nous avons vu un ange nous le dire, on n'a pas parlé sur le coup, mais après ça, il m'a apparu. » Et ils n'ont pas cru Marie, et maintenant, ils voient deux autres, et l'incrédulité persiste. Verset 14. En dernier, enfin, il apparut aux 11. Intéressant, hein? J'ai pas une grosse explication, là. Pourquoi il a commencé par la femme? Je crois personnellement qu'il y avait une logique parce que la femme avait été témoin de sa mort au chapitre 15. Donc, il y a une logique que c'est les femmes qui voient le tombeau vide et l'ange et c'est la femme que Jésus apparaît le premier, parce que je crois qu'il y a une logique là-dedans, et ça fait du bon sens que ce soit comme ça. Donc, s'il avait apparu à quelqu'un d'autre en premier, ou si l'ange avait parlé à quelqu'un d'autre, l'autre aurait pu dire, « Mais on ne l'a pas vu mourir, nous autres. » On ne sait pas si c'est vraiment mort, nous autres. Mais là, c'est ceux qui l'ont vu mort, qui l'ont vu mettre en tombeau, c'est logique qu'il ait apparu eux autres en premier. Maintenant, il apparaît à des disciples d'Emmaüs, où là, ils ne sont pas nommés ici. Pourquoi eux avant que les disciples? Je n'ai pas de réponse à ça. Mais c'est ce que le texte me dit. Mais après avoir fait cela, Jésus apparaît aux 11, pendant qu'ils sont en train de manger. Et Jésus leur fait un reproche. Le reproche, ce n'est pas « Pauvre vous autres, je sais que c'était dur, puis je vous blâme pas. » Là. Non, il a fait un reproche. Il leur dit qu'ils ont péché. C'est ça que ça veut dire. Vous avez péché par incrédulité. Vous ne m'avez pas cru quand je vous l'ai dit trois fois. Je dirais même quatre fois. Vous n'avez pas cru les femmes qui avait vu un ange que mon père avait envoyé. Vous n'avez pas cru, les disciples d'Emmaüs. Ils leur reprochent leur incrédulité et leur cœur dur. C'est toute une déclaration, vous savez, à ces onze-là, à ces onze-là, qui avaient vu Jésus pendant 3 ans. 3 ans, ils l'ont entendu, ils l'ont vu faire tous les miracles, ils l'ont vu chasser les démons, ils l'ont vu, ils l'ont entendu enseigner, ils ont mangé avec eux, ils ont couché avec lui. Ils l'ont vu pendant 3 ans faire des choses spectaculaires. Mais leur cœur était encore dur. Vous savez, ça me montre que l'être humain a besoin d'aide. L'être humain a besoin d'une intervention divine pour pouvoir croire. Pour pouvoir croire. Il y a besoin d'une intervention divine. Il y a besoin d'un ange qui apparaît. Il y a besoin d'apparition, si je peux dire même. Il y a besoin que Jésus vienne et qu'il dise, comme il a dit ailleurs, « Touche-moi, Thomas, et cesse d'être incrédule, mais crois! » Ça prend une intervention de Dieu pour que l'être humain puisse croire. L'être humain, même en présence de Jésus pendant 3 ans, ne croit pas encore. Mais il faut que l'Esprit de Dieu vienne pour que les hommes puissent croire. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse les convaincre. C'est pour ça que Jésus va intervenir ici. C'est lui le premier consolateur. Il intervient. À plusieurs reprises, on le voit, il va souffler sur eux afin qu'ils comprennent. Le premier souffle de Jésus, c'est sur ses disciples-là pour qu'ils comprennent. Les disciples d'Emmaüs pour qu'ils comprennent. C'est le même job que Jésus fait comme premier consolateur que le deuxième consolateur va faire sur tous les croyants de tous les temps. Le Saint-Esprit va venir dans le cœur de tous les hommes et les femmes pour faire le même souffle, si je peux dire ainsi, que Jésus a fait sur ses disciples pour qu'ils comprennent et qu'ils croient finalement. Pour que moi, je puisse arrêter d'avoir le cœur dur. C'est le deuxième consolateur qui vient pour qu'il me rende capable de croire. Donc Jésus reproche à ses onze d'avoir été incrédule, de ne pas avoir cru. Donc, des apparitions. Une femme, 2 disciples, 11 apôtres. Donc ça fait de suite 11 plus 2, 13 plus 1, 14. Au moins 14 personnes ici dans notre texte ont vu Jésus. Ont parlé avec Jésus. On sait ailleurs que Marie a touché Jésus. Les disciples d'Emmaüs ont mangé avec Jésus. Les apôtres ici voient Jésus, écoutent Jésus. Jésus leur parle. Et dans d'autres passages, on sait que Jésus a mangé avec eux du miel et du pain. Un poisson, excusez. Donc, les apparitions de Jésus à ses disciples confirment que Jésus est bien ressuscité d'entre les morts. Demain, nous allons voir ensemble les effets de la résurrection. Et on va voir ce que cela porte dans la vie de l'Église, le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Notre Père du ciel, oh merci! Merci d'avoir secouru l'incrédulité des disciples, l'incrédulité de Marie, l'incrédulité des 2 hommes, l'incrédulité des 11. Tu as eu pitié, tu as eu grâce envers eux. Et tu es venu, si je peux dire, souffler sur eux pour enlever cette incrédulité-là et qu'ils croient finalement. Merci de nous avoir enlevé notre cœur dur, d'avoir mis en nous un cœur régénéré pour qu'on puisse croire, pour qu'on puisse se repentir et te servir et t'adorer. Amen.